vais m'expliquer. Je vais essayer de garder des temps et je vais regarder ma jeune collègue pour tenir en une demi-heure. Ça suffira, on parlera après. Alors, déjà, je voulais vous dire que je ne suis pas historienne du tout. Je suis psychologue. Psychologue clinicienne du travail. Et même si Philippe Lejeune, tout à l'heure, de l'autre séminaire, nous a dit, pas de sociologue, je suis dans un laboratoire interdisciplinaire de sociologie économique au CNAM, qui est UMR, CNRS, et qui est dirigé par Michel Allemand. Donc on est un peu dans les mêmes mouvances, si vous voulez. Voilà. Alors pourquoi j'ai écrit ce livre? J'ai vu que Martine avait circulé le développement du travail d'une deuxième peau. Pour vous situer, donc je suis maître de compte et je travaille ici, mais j'habite Gennevilliers. Gennevilliers qui est une banlieue populaire, ouvrière, avec autour de moi des usines qui sont délocalisées, qui sont bon, hein, les usines Chaussons, la SNECMA qui n'est pas très loin, où vous êtes allé faire une conférence avec des gens qui travaillent vraiment à la forge, etc. Et moi, je suis née d'un père sidérurgiste, donc j'ai vu beaucoup de feux, d'aciérie, de laminage, etc. Donc nous avons une histoire commune, mais ce n'était pas en banlieue parisienne, c'était en Lorraine. Hein, c'était donc exactement à Longwy. Donc vous avez dû suivre dans mon histoire les drames de la sidérurgie lorraine et la délocalisation. Donc j'ai suivi tout ça. Et donc je dirais, j'allais dire forgé, mais c'est un peu ça, forgé par l'épreuve du travail, puisque j'ai vu des choses assez terrifiantes, ça explique le bouquin, hein, c'est pour ça que je vous dis ça. J'ai vu en particulier, lorsque j'étais enfant, une cloche de fonte en fusion se renverser sur les ouvriers, et ils étaient tous carbonisés morts. Et mon père n'est pas mort, puisque mon père était militant syndical et était en train de discuter avec l'ingénieur d'un conflit qu'ils avaient pour les ouvriers de son équipe. Et les deux hommes se sont retournés et ont vu la cloche de fonte qui brûlait les salariés. Ce qui veut dire que j'ai toujours entendu parler d'absence de vêtements de travail, d'absence de sécurité au travail. Vous voyez pourquoi j'ai le thème, hein, donc d'absence de casque, de gants, et que quand ils ont eu des choses pour se protéger, les protections étaient souvent avec de l'amiante, avec des choses cancérigènes, que maintenant nous savons que c'est très mauvais. Hein. Alors, si vous voulez, avec cette idée-là en tête, mais sur laquelle je n'ai pas travaillé particulièrement, parce que mon objet premier c'était l'école, puisque j'ai fait l'école normale d'institutrice, ensuite j'ai fait conseillère en orientation, ensuite j'ai fait psychologie clinique et sociale, puis psychologie du travail. Bon, et c'est au moment du travail, donc je crée une université populaire, comme il en existe beaucoup, sur le modèle donc, de celle de Michel Onfray, avec des amis à Gennevilliers. Et là, un jour, on sort. Et c'est là que les choses se déclenchent. Vous allez voir comment on écrit sur quelque chose en même temps sur soi-même, à chaque fois. On me dit, tu sais, tu devrais nous faire un truc sur le voile. Il y avait des femmes voilées. Là, donc je me dis, là, bon, c'était aussi chaud que l'histoire de la burqa maintenant. Hein. C'était il y a 5-6 ans. Et je leur dis, oui, peut-être. Et je me suis mise à aller interviewer des femmes voilées de Gennevilliers. Pour leur demander pourquoi elles portaient le voile. Elles ont commencé à m'expliquer plein de choses très très intéressantes, mais en particulier que ça les gênait pour travailler, puisque le monde du travail les refusait, à partir du moment où ils n'étaient pas conformes. Donc oui, moi ça m'a mis le vêtement de travail, la norme, comment on travaille, l'appartenance, etc. Et j'en parle à des étudiants du CNAM, qu'on appelle des auditeurs chez nous, non pas des étudiants, ce sont tous des salariés adultes qui viennent se reformer à différents modules, etc., pour avoir d'autres diplômes. Et mes étudiants me disent « Ah, mais écoutez, c'est formidable cette histoire de voile, c'est génial, vous devriez bosser là-dessus, et vous pourriez parler de casque. » Ah oui, tout d'un coup, ça me fait « Ah, ah, tiens, c'est vrai, le casque, ça me touche, cette affaire-là, du casque. Vous pourriez parler de la charlotte. » Vous pourriez parler du foulard, vous pourriez parler, et une de mes étudiantes qui est anthropologue et qui vient refaire la psychologie du travail me dit, Vous pourriez parler aussi des filles, des mineurs qui travaillent à trier le charbon et qui ont des petits foulards sur la tête, etc. Si vous allez au musée dans le Nord, vous allez voir, vous allez découvrir plein de choses, etc. Et puis, un de mes étudiants qui était facteur à Colombes me dit, hein, vous savez, ça c'est un vrai sujet, la manière dont on est habillé le couvre-chef, parce que pour les femmes, les hommes, les facteurs, c'est pas pareil et tout. Oui, donc je commence à devenir passionnée par mon sujet, mais j'écris toujours rien. Hein, c'est-à-dire je note que les gens me racontent des trucs. Et puis, à ce moment-là, il y a un étudiant un auditeur du CNAM qui me bouscule un peu en me disant, écoutez, vous êtes féministe dans vos propos, mais alors quand même, il y a des gens que vous oubliez dont vous oubliez de parler, vous ne parlez jamais des militaires. Oh, je sais, c'est vrai, je parle des militaires. Femme. Ah, oui. Donc, vous voyez, et je lui dis, pourquoi vous êtes militaire? Il me dit, non, moi je connais une femme remarquable qui était la première amirale de France. Et pour corriger un peu votre cours, l'orienter vers une généralisation de toutes les catégories professionnelles, j'aimerais bien que vous alliez l'interviewer. Voilà. Donc les choses ont commencé comme ça, sérieusement, où je me suis dit, me mène des filles, et c'est vrai que ce n'est pas honnête de ma part de ne parler que des infirmières, que des secrétaires, que des ouvrières, etc. Il faut que je parle aussi des femmes qui ont un uniforme. Oui, donc c'est parti de là. Et avant de m'y mettre, parce que quand même j'hésitais, parce que je ne sais pas si dans vos têtes, quand vous écrivez sur les autres, sur vous, on se rend compte très rapidement qu'il y a une humilité, hein, je veux dire, on ne sait pas. Et puis moi, dans ma tête, peut-être que les femmes militaires, ça m'impressionnait. Je tournais autour du pot et je n'arrivais pas à prendre rendez-vous. Hein, c'était très très difficile. Donc, j'ai fini par contacter cette dame qui me dit, écoutez, venez rue Royale me voir dans mon cabinet. Donc, j'arrive là-bas, la place de la Marine, hein, tout ça, et déjà, tout le monde me salue, et j'arrive. Donc, moi, avec mon cartable CNAM, habillé dans le genre, un style, quand même, on a toujours, nous les profs au travail, mais aussi un look, quoi, hein, bon, et tous les marins me saluent pour m'emmener voir Madame l'Amiral. Bon, déjà je suis bien impressionnée, elle me reçoit, alors, dans un cadre tout à fait bien, très charmante, et me parle de son vêtement, dont je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure, parce que j'ai un entretien avec elle. Et là, ça commence à me faire réfléchir en me disant, il faut que j'aille au bout de ce bouquin, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à lire. Et je me rends compte que cette femme a vécu ou vit les mêmes choses que n'importe quelle femme pour se faire accepter dans un monde d'hommes, dans un monde macho. Et une fois que j'ai eu son interview, je lui ai dit, vous m'envoyez d'autres. Vous voyez, donc alors après, j'étais partie, j'écrivais sans plan, parce que je suis quelqu'un qui est... les psychologues sont un peu confus quelquefois. Bon, moi, je le suis en tout cas dans mon organisation. Et je ne fais pas de plan. Voilà. Donc... je suis partie comme ça en me disant je vais me laisser aller. Et quand j'aurai beaucoup de matériel, je verrai ce que je ferai. C'est-à-dire que je savais que ma méthode allait être les biographies des gens, les histoires de vie, qui est une méthode qu'en psycho nous utilisons toujours, que j'allais toujours travailler sur les déterminants sociaux des personnes, ça c'était clair dans ma tête, sur les déterminants psychiques et les conflits internes que ça peut provoquer chez eux lorsqu'ils vont dans le sens d'un objet. Et je savais aussi que j'allais travailler sur le regard des autres, hein, comment les gens les regardent, et puis que j'allais certainement, à partir de ce caractère interdisciplinaire dans lequel je suis entre la psycho et les sociaux, finir par trouver des grandes thématiques qui structureraient le bouquin. Bon, enfin, le futur bouquin, je ne sais pas si c'est un bouquin, le futur bouquin. Donc une fois que j'ai beaucoup beaucoup avancé, j'ai demandé à des étudiants de m'aider à trouver des récits, parce que je ne voulais pas que ce soit centré uniquement en France, enfin à Paris, pardon. Je voulais qu'il y ait aussi des choses ailleurs, hein, et quand je dis Paris, c'est-à-dire je voulais qu'il y ait de la province, qu'il y ait du rural, etc. Donc je savais que j'allais en province assez souvent, mais pas suffisamment pour avoir beaucoup de matériel. Et ensuite, qu'il fallait que des gens acceptent d'être publiés une fois que j'aurai un panel suffisamment important, et des lignes de force que j'allais voilà, Alors, première découverte intéressante sur le plan des méthodos. Donc, je travaille, je vous dis, l'histoire de vie classique, c'est-à-dire ce que les gens racontent de leur vie, de leur rapport à un objet qui est des plans de travail. Et je découvre que les gens m'apportent de l'histoire. Non pas de l'histoire de vie, mais de l'histoire avec un grand H. C'est-à-dire que lorsque je leur fais parler de vêtements, ils sont tous fiers de situer leurs vêtements dans une lignée historique. C'est-à-dire qu'on va me dire que ça se réfère à un tel, un tel, un tel. Vous verrez quand je vous ai vous lire des extraits. Qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Et qu'on n'a pas exactement le même regard quand on est femme que lorsqu'on est homme. Hein, c'est-à-dire que les caractères contraignants de l'ordre, du sacré, ou bien que le caractère important du confort, du prestige, de l'honneur, de la propreté, etc. Tout ça va jouer, selon qu'on est infirmière, qu'on est... voilà. Donc et que les gens vont me raconter des histoires qu'ils ont entendues raconter sur leur vêtement, qui font qu'ils sont fiers de leur vêtement ou pas fiers du tout. Hein. Donc il y a des vêtements bon, voilà, qui vont les dévaloriser, ou au contraire des vêtements qui vont les valoriser. Donc ça, c'était aussi une perspective qui m'a beaucoup plu. Donc, comme n'étant pas historienne, j'étais obligée d'aller fouiller dans les archives. Alors, c'était très, très intéressant. Donc, il y avait de très belles bibliothèques un peu partout. Donc, pendant les vacances, au lieu d'aller lire à la plage, ben, vous allez lire dans une bibliothèque et vous dites, ah, j'ai bien raison de faire ce travail parce que c'est très, très stimulant. Je découvre l'histoire, ma foi, pourquoi pas. Et puis, donc, je me suis mise à rédiger, à classer, à ordonner. Oui, le plan est venu après. Et donc là, j'ai proposé à Vincent de Gaulle-Jacques, qui est professeur de sociologie clinique à Paris 7 et qui dirige la collection GRS de sociologie clinique. Et Vincent, au début, me disait, oh, vêtements de travail, bon, oui, c'est bien, mais parle plutôt de... du travail. Donc j'ai dit, mais non, mais moi c'est ça qui me tient à cœur. Alors vous comprenez pourquoi, il y a eu des émotions au début, l'écriture de soi, mais bien pourquoi, etc. Donc je ne voulais pas lâcher mon affaire. Et quand il était fait, il m'a dit, je le prends, il n'y a pas de problème. Alors pour vous dire un peu la suite de l'affaire, c'est à ma grande surprise, c'est un livre qui circule beaucoup, qui m'a amené à faire plein de colloques, dont un où j'ai eu le plaisir de rencontrer votre amie Nicole sur les tabliers. Hein, donc on est au colloque de Lyon ensemble au mois de mars avec un truc, alors c'est l'inattendu, hein, toujours, on dit, on croit toujours qu'on s'est développé de manière définitive, que ça va s'arrêter, et puis vous faites un truc, bon, moi, pour moi quand j'ai terminé, c'était fini, je faisais autre chose, ben non, maintenant on m'appelle, on me dit, vous savez, c'est venez à l'université de la mode. Ah, la mode, que fait la mode avec un bouquin sur vêtements de travail? Ben non, la mode dit, mais vous savez, on n'a jamais parlé du vêtement de travail à l'université de la mode. Donc, on a invité. Qui pourriez-vous inviter? Alors, c'est moi qui ai suggéré à Nicole, parce que j'avais vu qu'elle avait fait une exposition en province, à côté de Poitiers, je ne sais plus où. Je lui ai dit, il faut qu'elle vienne à ce colloque. Et c'était très intéressant. Donc, voilà. Alors, les vêtements typiques, si vous voulez, hein, pour en revenir au choix de vêtements. Donc, moi, je n'ai pas parlé du tablier, parce qu'elle en parle mieux que moi. Je pense qu'il y a un vêtement qui m'a beaucoup marqué, donc c'est le bleu de travail, évidemment, hein, qui est important. Donc je vais vous en parler un petit peu. Il y a l'uniforme, évidemment, qui est très genré. Il a l'air tout uniforme, mais il n'est pas vraiment. Vous allez voir que c'est dans le détail qu'il va falloir y aller. Et puis, le pantalon et la jupe, qui sont quand même pas rien, hein, dans cette affaire-là. Et puis, tous les débats autour de la blouse, hein, les différentes blouses d'infirmières, etc. Et donc, je vais situer la question du genre dans une perspective plus psychologique, puisque je suis psychologue, je ne vais pas aller m'embarquer dans autre chose, et qui va mettre l'accent, alors peut-être que vous mettez la chose dans le style, hein, sur ce qui est construit dans les rôles, hein, ce qui est socialement construit dans les rôles, et qui va créer de l'identité, et en même temps, qui va permettre de développer, je dirais, une identité de genre, plus ou moins, et étudier les ambiguïtés. Alors évidemment, la femme sous l'uniforme, il y a des ambiguïtés sexuelles, hein, donc c'est intéressant de voir ça. Et en même temps, c'est culturel et c'est social, et vous allez voir comment l'une et l'autre, les unes et les autres vont en parler. Alors, D'abord, je vais commencer. J'ai relevé des petits extraits du livre qui me semblent intéressants parce que dans le plan de travail, vous allez voir que qui fait le vêtement, c'est d'abord les femmes, hein, qui va fabriquer. Donc, dans le vêtement, c'est la petite ouvrière qui maîtrise le cheminement du dessin au vêtement. La styliste, encore une femme, intervient à l'œil pour dire un peu plus, un peu moins. Il s'agit d'une créativité verbale qui se réalise par les yeux et par les mains. Cette créativité énonce ce que les aiguilles et les ciseaux de l'ouvrière formeront comme le possible à réaliser. Ces femmes ont entre elles des liens de la technicité, l'amour du beau, les connaissances de la matière, les exigences du pli parfait. La toiliste part de la toile, dessine sur le carton, qui devient un patron. Et cela va avoir un prix fou. Ensuite, interviennent les filles qui, sous leur machine, vont mettre la couture avec la dextérité de leurs mains. Ce sont les premières mains qui vont monter le vêtement zéro, le prototype, auquel on va rajouter un pli, un nœud, une ouverture. Elles sont trois ou quatre à se passer le prototype zéro pour le thermocollant, les boutons, la fermeture éclair. Puis arrive la journée de présentation, ensuite se fait le réalisable en série. Il faut que ça ait de la gueule, voilà, l'art du travail bien fait. Donc rien que ça montre que les femmes sont engagées dans la création de l'objet, hein, et que c'est elles qui vont aller jusqu'au bout, avec une souffrance dans le travail, puisque une va dire, selon que l'on va être le prototype zéro ou la coupe type, on vit dans le stress avec le collectif de travail qui est comme de la braise jusqu'à la mise au point. Ensuite, on fait le matelas, on déroule le tissu, on construit mille feuilles de tissu. Donc, vous voyez, tout le langage du travail, on dirait que c'est des gâteaux, hein, la manière dont ils en parlent, ou des objets domestiques, hein. C'est-à-dire, on coupe le patron avec des énormes ciseaux, avec un ciseau industriel, une lame extrêmement puissante sur la table qui fait jusqu'à 25 mètres. Puis elle se rattrape, elle me dit non, j'exagère, je crois que ça ne fait que 15 mètres. Donc ça lui semblait tellement énorme qu'il fallait qu'elle dise ça. On trace au crayon les manches, les dos, les cols, on coupe, on fait les paquets et on distribue aux ouvrières à domicile. Donc ça va recouper peut-être ce que vous allez dire. Hein. Qui réalise ? Madame X va monter et on fait confiance, on va rechercher le montage. Quand on a fini, elles sont payées aux pièces faites. Elles sont payées mal aussi. Hein. Donc j'ai relevé le code du travail prévoit le statut d'ouvrière à domicile avec un salaire multiplié 12 fois moins du taux minimum en vigueur parce qu'elles ne travaillent que quelques mois payés. Donc elles ont un petit abattement fiscal de 5%. Donc, vous voyez que le fait que ce soit des femmes qui travaillent, c'est encore une façon de discriminer sur la question du salaire, la question de l'égalité. Donc le salaire reste le noyau dur, je dirais, des inégalités entre les hommes et les femmes. Et donc il résiste à tout. Et depuis des décennies, donc ça j'ai vu que malgré tous les textes et toutes les lois qu'on nous prend depuis 30 ou 40 ans, on reste toujours dans la question des inégalités et des carrières mal faites. Donc là, je ne vais pas vous renvoyer à d'autres personnes parce que je voudrais qu'on profite vraiment du temps pour aller jusqu'au bout. Donc je vais vous parler un peu de mon amiral. je dis mon amiral, c'est pas de bien dire ça, mais c'est vrai que c'est tout à fait intéressant. Donc je vais laisser tomber plein de choses pour arriver à Chantal Desbordes. Et là. L'uniforme. Donc, alors déjà, il faut dire que les amirals hommes et femmes, c'est pas tout à fait pareil. Par exemple, je vais vous faire parler un homme amiral pour l'opposition entre on a qu'une femme amirale. Donc, j'ai pris l'amiral Bertrand de Loustal qui précise les tenues diffèrent selon les objectifs. Travail, cérémonie, mer, sortie. Tenue spécifique, c'est celle des sous-marinés, car il a une protection anti-feu. Même les sous-vêtements, ici, font partie de la tenue, car le coton ne doit pas provoquer d'arc électrique, le nylon est exclu. Les électriciens ont des tenues particulières, ils portent un caleçon long, non fumigène, un casque anti-bruit et les normes sont strictes. Et son épouse, qui est à côté, dit « Ah là là, les normes et les codes !» Par exemple, si la cérémonie impose pour le mari la tenue 22, l'épouse qui l'accompagne doit savoir qu'elle doit avoir une robe longue. La tenue 22, c'est le veston avec spencer léger, ou un indice avec médaille et décoration pendant et le sabre. Tout est codifié, lié au grade. C'est dommage que l'apparence ne soit pas prise en compte, car porter un Spencer à 25 ans, c'est élégant. Mais le porter à 50 ans, parce qu'il est le cas de son mari, ça peut devenir inadéquat pour la silhouette. Voilà. Donc, vous voyez déjà tous les questionnements autour du vêtement de l'amiral homme. Hein. Alors, le midi, oui, c'est codifié. La tenue 22 a un insigne que si on a deux glaives, on va montrer qu'on a connu le sous-marin, etc. Donc vous voyez que toutes les insignes ont un sens et vont raconter l'histoire de la personne avec les décorations et les marques. Hein. Donc, je vous prends également quelqu'un d'autre qui était marrant, un militaire différent hein, pour l'armée de terre, vêtements. Donc, à des marqueurs, hein, le grade. Voilà. Alors, quant à Madame de Boustal, elle dit, l'uniforme présente des avantages. Vous voyez qu'elle n'a pas parlé de la même façon. L'uniforme présente des avantages et de l'intérêt, car il uniformise, il vous donne le sentiment d'appartenance. Dès que vous revêtez votre uniforme, vous êtes dans la vie professionnelle qui n'est pas votre vie personnelle. Vous voyez, il fait bien la différence entre les deux. Vous donnez une image. L'image que l'on véhicule est double. D'abord, c'est celle de la marine, et chaque armée a sa particularité, son style. Le grade signifie que qui l'on est dans la hiérarchie. Ceci se place dans le contexte de la conquête des responsabilités, qui est le propre des pionniers comme moi, de ceux qui cherchent à faire. Vous voyez, elle ne dit pas de celle, elle dit de ceux. Qui cherchent à faire un chemin par rapport à un univers qui ne leur a pas encore donné toute la place. Si j'avais travaillé en civil, dit-elle, on m'aurait pris pour une secrétaire. Ce qui n'est pas une critique pour ce métier, mais je tenais à ce que l'on sache d'emblée, en me voyant, que j'avais choisi le métier de militaire. Le métier militaire, c'est un choix. L'uniforme fait que l'on nous voit, et nous sommes aujourd'hui 5300 femmes dans l'armée avec ce style important. Nous travaillons donc toujours en uniforme. Une barrette de galon, c'est la compétence, mais c'est aussi un élément d'appartenance et un élément de reconnaissance. Les galons situent dans la hiérarchie, grade et autorité. L'uniforme et les galons font que l'on rectifie la position, on vous salue. Alors, j'ai compris, j'ai fait l'expérience, arrivant sans uniforme et la manière dont on m'avait salué, j'avais compris tout de suite que le salut, c'était très important. Donc, on vous salue. Tout compte fait, il s'agit de s'imposer par l'uniforme et le grade, mais aussi par les compétences qu'on identifie là-dessus. L'uniforme permet de se faire reconnaître. Alors, donc, voyant qu'elle était assez sympathique et que moi, je suis le dernier dans les grades, je lui demande qu'elle m'explique ce qu'elle a sur son uniforme. Alors, elle me dit, j'ai deux étoiles. C'est le premier grade d'officier général qui correspond au titre de contre-amiral. Vice-amiral, ce serait 3 étoiles en triangle. Après, ce sont les dignités. Vice-amiral d'escadre, 4 étoiles en losange, amiral 5 étoiles en losange et une en dessous, et amiral de France, 7 étoiles. Ceci correspond à un maréchal de France, mais il est très peu utilisé aujourd'hui. Il faut 28 ans pour faire un amiral et avoir parcouru tous les grades d'officier. Les 3 grades de subalterne et les 3 grades d'officier. Vous voyez un peu que c'est pas rien comme hiérarchie. Et je lui dis, votre encre de marine dorée. Parce que, évidemment, je découvre tout, moi. Alors, donc, elle m'explique qu'elle porte le corps donc, des officiers femmes de la marine. Et qu'effectivement, j'ai bien remarqué qu'en fait, c'est un peu une décoration. C'est un peu leur broche. Vous voyez, on va mettre un collier, etc. Donc, elle dit, je porte le corps donc, des officiers femmes de la marine, créé en 1973, qui est donc un symbole du corps. Le corps des officiers femmes, qui correspond donc à une histoire. On peut dire qu'en 1973, c'est avant la fin du premier contrat et cette période était transitoire. Et en 1976, ce corps a été mis en extinction et du coup, les femmes ont eu droit uniquement à 2 étoiles et pas à 3. Et on se débrouille toujours pour que les femmes aient un petit peu moins. Hein, voilà. Même à ce niveau-là. Alors elle dit donc... Pour les femmes, la hiérarchie n'est pas complète. elle s'arrête là. Elle est au plus haut niveau. Hein. En ce qui me concerne, dit-elle, j'ai cependant eu une barrette de décoration tricolore et deux ordres nationaux. Je ne peux pas rêver mieux. J'ai eu la Légion d'honneur, la rosette d'officier deuxième grade, l'ordre national du mérite, le deuxième ordre national, celle d'officier avec une rosette dans l'ordre rouge et bleu. Pourtant, je n'ai pas les palmes académiques alors que j'ai dirigé 26 écoles qui diplôment les jeunes, dont des gens en difficulté. Et quelque part, il a fallu qu'on la punisse. Hein, c'est le sentiment qu'elle avait. Donc, elle dit, j'ai démontré pendant 20 ans mes compétences. J'étais couronnée par un brevet d'État de l'École supérieure de Garnaval. Et voilà, malgré tout cela, je n'ai toujours pas le grade maximum et la hiérarchie s'arrêtera à mon niveau. Donc, je trouvais que c'était intéressant d'avoir cette discussion. Parce que, donc, elle a été nommée évidemment en Conseil des ministres le 19 décembre 2001. Hein, donc, je ne sais plus qui était ministre, c'était encore la gauche à ce moment-là. Hein, voilà, c'était je ne sais pas qui. Le modèle de tricorne, donc il fallait qu'elle ait donc un chapeau. Ah, donc, elle ne voulait pas être habillée comme un homme. Donc, on lui a dit écoutez, comme vous êtes la seule, la première, etc., trouvez votre costume. Donc, il fallait qu'elle trouve le modèle de tricorne qu'elle ait inventé pour toutes les femmes qu'elle suivre. Bon, elle est la seule à l'avoir. Enfin, bon, voilà, c'est pour ça que je voulais vous dire ça, c'est amusant. Hein. Donc, elle retouche avec des spécialistes du commissariat le chapeau. Et donc, elle le sort pour la première fois le 1er janvier 2002. Le chapeau qui sera pour les femmes amirales. Donc elle dit, le bandeau de feuilles de chêne encerclerait, vous voyez, elle commence à donner ses ordres au styliste du commissariat, le bandeau de feuilles de chêne encerclerait la base du tronc de cône et le feston dent de loup, qui le surmonte normalement, serait dissocié pour venir souligner le bord des trois côtés du tricorne. Au centre, le macaron porterait les deux étoiles sous l'angle de marine. Voilà. Elle dit, j'exigeais des escarpins et une jupe pour montrer qu'elle était femme. Là, c'est la révolution, non, c'est la révolution des jupes, hein, la jupe. Les escarpins et la jupe, mais sur la veste, les galons ont fait place à deux étoiles argentées et les boutons étaient un peu plus ornementés. Voilà. Donc, alors, ayant eu le discours de Chantal Desbordes, qui est très marrante, très féministe et très drôle. D'ailleurs, elle est venue dans ma banlieue à Gennevilliers pour rencontrer les jeunes, discuter d'un film sur la mer avec eux. Et c'était pas bien amiral. Elle avait mis un manteau rouge avec un foulard noir. Alors, je dis, vous jouez au Zénard. Elle me dit, non, j'ai mis une uniforme dans le sac si me demande de leur montrer. Donc, elle avait amené dans sa petite valise son uniforme, c'était très sympa. Et, donc, certains jeunes m'ont demandé de le toucher, parce que c'est intéressant de toucher, de voir le tissu que c'est, son doux, râpeux, etc. Parce qu'elle avait tenu aussi, est-ce que c'est un beau tissu. Alors, donc, forte de ça, je suis allée voir d'autres gens, dont Virginie Dressen, qui était la commissaire de police. Et là aussi, à ma grande surprise, Virginie, donc, je dis Virginie parce qu'elle est sympathique, elle est jeune, elle a une trentaine d'années, 35 ans peut-être, et elle me reçoit en tailleur noir, ordinaire, classique, à liseré blanc, agrémenté d'une broche. Elle me dit, commissaire de police, elle me dit, et elle a mis des fleurs partout dans ce commissariat, et on s'y sent bien. Elle m'offre un café avec du chocolat. Et on devise sur Maigret, l'inspecteur Maigret, le commissaire Maigret, pardon. Représentation assez fidèle au métier et au fait d'être en civil ou d'être en tenue. Alors elle me dit, moi j'ai pas besoin de mettre tout ça pour avoir l'air d'un commissaire, je suis commissaire. Donc je m'habille comme je veux, évidemment je ne vais pas me mettre en vert ou en jaune, mais je tiens à être moi. Donc, elle me dit évidemment qu'à cause de la réforme qui a unifié le corps de police par la tenue unique pour tous, que l'on soit gardien de la paix, brigadier, brigadier chef, officier, lieutenant, capitaine, commandant, etc. Donc, on a mis d'un côté les enquêteurs, les inspecteurs en civil, et de l'autre, les gardiens de la paix. Mais je vise donc à être commissaire et à être dans mon look. Voilà. Donc, le corps des commissaires de police ne comprend que 20% de femmes. Oui, il y a encore du boulot, hein, parce que c'est des entretiens récents. Hein. Ça date de 2005. Hein. Le corps comprend 20% de femmes qui, comme elles, sont issues de l'université à partir d'un troisième cycle de droit. C'est plus complexe pour tous les parcours internes, dit-elle, et promotionnels, car deux facteurs viennent entraver la carrière des femmes. Leur âge, c'est quand on est commissaire de police, il faut quand même courir beaucoup sur le terrain et aller voir partout, et la maternité. Elle dit, notre corps a des pionnières, non pas le corps des femmes, mais le corps des commissaires, comme Martine Montaigne, qui occupe aujourd'hui des postes à haute responsabilité. Alors, dans d'autres lieux, dit-elle, évidemment, que de temps en temps, il lui arrive de mettre son uniforme. Alors, elle me dit, si je suis en civil, c'est parce que j'exerce ma fonction en banlieue. Paris exige la tenue en toutes circonstances. Parce que quand on est dans la capitale, on doit être en commissaire tout le temps. C'est ce que je faisais à mon arrivée. Mais la mission de sécurité publique à Paris, donc j'étais en tenue et la tradition perdure. Alors c'est là que j'ai découvert, et vous allez voir, vous historiennes, vous savez sûrement mieux que moi, qu'effectivement Paris est toujours à part. Hein, à part dans toutes. Voilà, les pompiers, les avocats. Hein, donc il y a vraiment une différence en tout. Alors en fait, on se rend compte qu'il y a toujours des grands stylistes qui sont interviewés pour les costumes. Par exemple, c'est Yves Saint Laurent qui a conçu le premier uniforme de femme policier en 1974 et le premier uniforme de commissaire. Mais il a fallu améliorer la ligne pour qu'elle soit opérationnelle, hein, et plus confort, donc pour être à l'aise. Et donc, il a fallu avoir un peu un style plus décontracté, donc genre combinaison, hein, pour le maintien de l'ordre, et qui va donc pour les deux sexes. Donc, mais la tenue d'apparat, par contre, va toujours montrer la distinction entre les filles et les garçons. Donc c'est jupe, pantalon, escarpins qui vont, voilà. Donc elle est contente, donc elle a sorti effectivement sa tenue de l'armoire, hein, on l'a regardée, on l'a touchée, etc. Donc elle dit, c'est une belle veste. Hein, voilà. Partout en France, la fourragère est blanche, sauf à Paris et dans les départements de la petite couronne, qui en 1945 faisait partie du département de la Seine, car pour la Seine, la fourragère est rouge pour montrer Paris libéré. Cette marque de distinction vient du général de Gaulle, qui a décoré de la Légion d'honneur la police parisienne qui avait contribué à la libération de la capitale. Elle dit, je suis fière de mon uniforme et surtout des gants blancs. Le tricorne ressemble un peu à celui des militaires, mais nous avons refusé la casquette. Vous voyez, le grade est marqué sur l'épaulette par une feuille de chêne, avec deux barres en plus, si le commissaire est divisionnaire. Voilà donc pour les uniformes. Et je voudrais juste terminer, parce que je vois que l'heure tourne et que vous allez me faire les gros yeux. Donc, les femmes militaires ont des soucis pour que leur uniforme soit conforme et en même temps elles soient très à l'aise. Mais, par exemple, on peut voir que les avocates ont les mêmes soucis que les militaires. Par exemple, Mademoiselle Chauvin, avocate, le 6 décembre 1900, est la première femme qui devient avocate. Et qu'est-ce que dit la presse d'elle ? Avec sa toque crânement enfoncée sur la tête, cachant la torsade de cheveux relevés en arrière et aplatie sur le sommet, avec son haut col cassé, sa cravate blanche, perdue dans sa robe noire, mêlée au milieu des autres robes, Mademoiselle Chauvin avait un air de petit garçon que le travesti de nos femmes. Mais ce n'était pas gentil quand même. Vous voyez les résistances par rapport aux femmes. Donc finalement, elles ont adopté progressivement, hein, c'est très sexiste, hein, la cravate, le nœud, le faux col, la toque, etc. Donc elles ont abandonné les avocates. Elles ont abandonné la toque en 1914 et en 1930, elles ont dit qu'elles voulaient des robes spéciales, hein, pour s'imposer. Elles ont donc fait évoluer le costume professionnel et elles mettent maintenant plus de chapeau du tout, plus de toque, plus tout ça. mais des petits foulards et des petits colliers, tout en gardant leur robe d'avocate. Donc, c'est assez amusant. Donc, les choses qui sont importantes à dire aussi, c'est qu'il y a deux ordres fondamentaux. C'est quand même la monarchie qui a structuré tout ça, hein, la royauté. Et que même si on est la République et même si c'est la Révolution, on peut voir que les marques de la monarchie sont restées très fortes, ou les marques de l'Empire, c'est pour ça que tout à l'heure en discutant on disait est-ce que c'était l'Empire, sur le vêtement. Hein, voilà. Et que notre République, dont nous sommes fiers, est très monarque, hein, dans la façon d'uniformiser, de cadrer. Et puis la religion. Aussi, hein, la religion qui était très très marquante. Alors par exemple, juste sur le mouvement féministe à l'intérieur de l'Église, pour vous dire de petits mots, là c'est dans les documents que j'ai retrouvés. Par exemple, les théologistes féministes ont toujours dénoncé l'éternel féminin d'Ève et de Marie, hein, et ont voulu qu'on écrive Dieu avec un E. C'est intéressant, un Dieu avec un E, afin de ne pas l'enfermer dans une représentation unique. Et dès les années 1990, donc il y a eu une revendication d'une femme féministe et qui était religieuse, qui disait qu'elle demandait que les femmes prennent une place dans le sacré. Car l'Église catholique, à travers un discours enfermant, légitimait la hiérarchisation des sexes et institutionnalisait l'exclusion des femmes. En effet, l'Église enferme les femmes dans des fonctions considérées comme naturellement inscrites dans leur donnée corporelle, et elle disait « Nous ne voulons être ni femme éternelle, ni Ève, ni Marie, mais on veut être un être humain, et donc nous souhaitons que le pape prenne une posture par rapport aux vêtements des femmes. » Et Jean-Paul II, malgré tout, à cette époque-là, a persisté à considérer les femmes inaptes à l'ordination, hein, peuvent être prêtres, tandis que la communauté anglicane se prononçait pour l'ordination des femmes le 3 janvier 1994. 2 ans après ce texte, 3200 femmes ont été ordonnées aux USA, au Canada, en Angleterre, en Nouvelle-Zélande, au Brésil, au Rwanda, en Ouganda. Hein. Et Jean-Paul II s'est toujours refusé à promulguer une lettre pour dire « Pour être prêtre, il faut être baptisé et de sexe masculin. » Cependant, les femmes militantes font quelquefois office de curé, de diacre, de vicaire, envers et contre tout, mais elles n'ont pas droit à la robe sacrée. Pas de robe. Hein. Reine des services, les ouvrières de l'Église font un travail en silence, qui les confrontent au chômage, à la délinquance, au support des personnes âgées, elles devraient être dans les services, elles veulent des droits, faire des actes religieux, donner des sacrements comme le mariage, la naissance, les confessions. Elles dénoncent les figures du pouvoir qui ont un habit, celui de la Sainte Famille, que l'épiscopat français met en première place dans le champ du pouvoir. Donc, voilà des réactions un peu de la religion. On a vu les militaires, on peut voir la monarchie. Et j'ai pas le temps de parler des infirmières et des blouses, j'avais préparé plein de choses, parce que là aussi c'est assez marrant. Peut-être juste vous dire qu'il y a une hiérarchie de la blouse blanche très importante dans l'hôpital, que la blouse blanche de l'infirmière n'est pas du tout celle du médecin, qu'on ne la porte pas de la même façon. Hein. Et par exemple, Marise Fleury dit « J'ai connu la blouse blanche avec le tablier portefeuille à porter dessus jusqu'à ce que je quitte l'hôpital en 1992 ». Au foyer de vie, l'habitude était de porter une blouse blanche boutonnée sur les habits civils personnels. Et la blouse est portée déboutonnée parce qu'elle ne protège de rien. Mais la tenue, c'est aussi le côté pratique. Ça veut dire qu'il faut qu'on se baisse, que je me courbe. Donc elle doit être ample, elle doit laisser libre tout mouvement. Elle ne doit rien laisser voir. Et je peux la porter 2 à 3 jours selon mon activité de quart. La tenue est nettoyée en lingerie à forte température. Donc toute cette blouse, si vous voulez, va rencontrer l'hygiénisme, que ce soit blanc, blanc, blanc, propre, propre, propre, etc. Et on va voir que les buanderies des établissements hospitaliers vont avoir pour concurrents les commerces de ville, et que tout ça va permettre aussi de poser un certain nombre de questions, de revendications sur qui lave la blouse, qui paye le lavage. Et que ça va encore entraîner des questions de rapport social extrêmement fort. Tout dépend si le directeur de l'hôpital décide de remplacer la blouse coton en tissu synthétique qu'on peut jeter, par exemple, parce qu'il ne veut pas payer le lavage. Voilà, donc il y a des tas d'enquêtes qui sont faites et des thèses qui commencent à se faire sur ce thème-là. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? De temps en temps, pour rigoler, les infirmières changent de blouse et mettent des blouses de médecins pour montrer qu'elles peuvent accéder à une promotion. Ou alors, elles mettent des blouses... voilà, on a bénéficié de belles blouses féminines, bien coupées, saillantes, avec des pinces, un joli petit décolleté, sans être provocante. Oui, il y a tout ça. Puis l'hôpital a décidé de changer de style car ces blouses étaient jolies mais pas pratiques. Il fallait les enfiler par la tête car il n'y avait pas de boutonnage, ce qui obligatoirement nous décoiffait. Et quand on les retirait, ce que nous avions mis dans nos poches tombait au sol. Étant de nuit, il était impossible d'en récupérer la lingerie, alors on les chapardait dans les armoires vestiaires des infirmières de jour qui, elles, avaient la possibilité de prendre la lingerie tant qu'il y avait du stock. Ainsi, nous nourrissions à nos dépens la petite guerre entre le personnel de jour et le personnel de nuit. Donc vous voyez que le vêtement de travail est intéressant parce qu'il met à jour à la fois les conflits actuels, les conflits passés et toute l'histoire et les difficultés des femmes. Voilà. Donc je terminerai en disant que l'habit ne fait pas le moine. Mais que quand même, on se rend compte que l'habit fait les gens, hein, fait les personnes, et que d'ailleurs, en allemand, je crois que c'est la phrase qui se dit. Hein, il y a plusieurs façons de le dire dans tous les pays. Hein, on dit l'habit ne fait pas le moine, l'habit ne fait pas l'homme. En russe, on dit à l'entrée, on juge quelqu'un par ses habits, à la sortie, par son intelligence. En espagnol, tu n'as pas besoin d'être bien habillé pour être quelqu'un de bien. En allemand, les habits font les gens. En grec, en Grèce, on dit c'est pas la soutane qui fait le père. Et en France, on dit l'habit ne fait pas le moine. Vous voyez, donc, c'est très intéressant de voir comment ce proverbe, hein, voilà, on tourne autour du pot. Et puis, on va voir pour. Alors, j'aurais pu vous parler des hôtesses de l'air, etc. Bon, je vais arrêter là, parce qu'il y a quelque chose à dire. Mais vous voyez que c'est extrêmement intéressant. Pour des gens qui s'occupent du travail, d'aller chercher par ce petit bout-là, je ne m'attendais pas du tout. En partant, je vous dis, du voile des filles maghrébines à Gennevilliers et à l'Assemblée populaire, d'arriver à parler du travail et arriver à parler des rapports sociaux, des conflits, des rapports politiques, la question sexuée, la question du genre. Et c'était une merveille de faire ce livre, je me suis passionnée. Alors j'ai vu tout le monde, la RATP, les facteurs, et comment les gens voient l'affectif par l'habit. C'est-à-dire que du fait qu'on les reconnaît, les gens projettent des choses sur eux. Ils vont projeter la capacité à créer du lien social ou pas. Les factrices sont très bien vues, parce qu'on sait qu'elles vont apporter du courrier. On sait qu'elles vont apporter des nouvelles, on sait qu'on peut leur faire confiance, etc. Voilà. L'infirmière, pas toujours, parce qu'elle soigne, mais elle peut aussi apporter le symbole de la maladie, de la finitude, etc. Les fossoyeurs, que j'ai longuement interviewés, eux aussi, ça les fait rire, donc eux, leur vêtement de travail, parce qu'il faut qu'ils trouvent le moral pour avoir les fossoyeurs, c'est pas très marrant, hein, comme boulot, personne ne veut le faire. Hein. Et en plus, disent-ils, on ne les aime pas. Alors, les femmes fossoyeurs, imaginez ce que ça peut donner. Ah, parce qu'on dit, ben oui, là, on dit que tous les métiers sont rien. Donc, il y a des femmes qui sont fossoyeurs, alors elles ne disent pas. Elles disent qu'elles sont secrétaires aux pompes funèbres. Ah. Elles ne disent même pas à leur mari. Elles s'habillent rouge à lèvres, parfum, petite jupette et tout. Quand elles arrivent. Au cimetière, elles s'habillent en ouvrier, bon, pour être fossoyeur. Hein. Puis comme elles sont très soigneuses, etc., elles peuvent reclasser et tout. Mais la mort, les pulsions de vie et les pulsions de mort, étant psychologue, j'ai quand même un petit peu essayé de voir ça, fait qu'il y a des choses rejetées. Donc pour tenir le travail, il faut que le salarié, si vous voulez, et ça te permet de faire la transition avec vous, la crise de nerfs, hein, on va voir. Il faut que le salarié, dans son émotion, puisse contrôler ses émotions. Donc il faut qu'il puisse rire. Et le rire est très fort. Donc il faut qu'il puisse se décorer, qu'il puisse. Alors les fossoyeurs, je les ai vus avec des nonos dessinés, des trucs. La mort, tu ne mourras pas. Comment on appelle ça, des tatouages, des choses comme ça. Et les femmes, beaucoup plus de parfums, beaucoup plus de maquillage, beaucoup plus de bouclettes. Et surtout, quand elles sortent du boulot, vous aviez des midinettes, pas du tout. Voilà. Je m'arrêtais, je pouvais parler en tant qu'on a une heure, parce que c'était passionnant. Mais j'ai arrêté cette recherche et je crois qu'il manque des chapitres au livre. Je pourrais écrire en deuxième, parce que depuis que j'y circule, tout le monde me dit « Et vous n'avez pas parlé de ça, et vous n'avez pas dit ça, et mon métier, vous ne l'avez pas vu. » Vous voyez, parce que le métier, c'est inépuisable. Hein, donc, on peut... Et puis, c'est tout l'hygiène, le confort, le prestige, qui revient, je crois. Voilà, à vous.